Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a fui le nazisme et s'est exilé à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Livre nostalgique, testament d'un monde qui n'est plus, témoignage sidéré d'un homme qui reçoit de plein fouet ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. Stefan Zweig se suicide en 1942. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Huitième épisode, De nouveau par le monde. Pendant les trois années les plus dures de l'après-guerre en Autriche, 1919, 1920 et 1921, j'avais vécu enterré à Salzbourg, renonçant déjà, à vrai dire, à l'espoir de jamais revoir le monde. La débâcle après la guerre, la haine qui sévissait à l'étranger contre tout Allemand ou toute personne écrivant en langue allemande, la dévaluation de notre monnaie, était si catastrophique qu'on s'était résigné d'avance à demeurer fixé dans la sphère étroite de sa patrie. Mais tout s'était amélioré. On mangeait de nouveau à sa faim. On s'asseyait à sa table de travail sans être importuné. Il n'y avait pas eu de pillage, il n'y avait pas eu de révolution. On vivait, on éprouvait ses forces. Ne fallait-il pas expérimenter une fois encore les joies de ces jeunes années et s'en aller au loin? Il était trop tôt pour songer à de longs voyages, mais l'Italie était tout près, à 8 ou 10 heures seulement. Fallait-il s'y risquer? En qualité d'Autrichien, on passait là-bas pour l'ennemi héréditaire, bien qu'on n'eût jamais éprouvé soi-même ce sentiment. Fallait-il s'exposer à se voir repousser sans aménité, à devoir croiser d'anciens amis sans s'arrêter, afin de ne pas les mettre dans une situation pénible? Enfin, je m'y risquai et passai la frontière un jour, à l'heure de midi. Le soir, j'arrivai à Vérone et me rendis dans un hôtel. On me présenta la fiche des arrivées, je m'y inscrivis. Le portier relut la feuille et s'étonna quand, sous la rubrique « Nationalité », il lut le mot « Austriaco ».« Lei è Austriaco ?» me demanda-t-il. « Va-t-il me montrer la porte » pensais-je. Mais quand je lui répondis affirmativement, il en poussa presque des cris de joie. « Ah, che piacere, finalmente !» C'étaient les premiers mots d'accueil qui m'étaient adressés et une nouvelle confirmation du sentiment que j'avais déjà éprouvé pendant la guerre. Toute cette propagande de haine et d'excitation n'avait engendré qu'une fièvre intellectuelle passagère et n'avait au fond jamais atteint les véritables masses de l'Europe. Un quart d'heure après, ce brave portier monta encore spontanément dans ma chambre pour s'assurer que je ne manquais de rien. Il loua mon italien avec enthousiasme et nous nous séparâmes sur une cordiale poignée de main. Le lendemain, j'étais à Milan. En passant, je vis sur la façade d'un grand bâtiment l'inscription « Corriere della Sera ». Soudain, je m'avisai que mon vieil ami Giuseppe Antonio Borghese y exerçait des fonctions de directeur à la rédaction. Borghese, en compagnie de qui j'avais passé à Berlin et à Vienne tant de soirées exaltantes avec le comte Kaiserling et Benno Geiger. Un des meilleurs écrivains d'Italie et un des plus passionnés, exerçant une influence extraordinaire sur la jeunesse, il avait nettement pris position contre l'Allemagne et l'Autriche pendant la guerre. Encore qu'il eût traduit Werther et fut un fanatique de la philosophie allemande. Et côte à côte avec Mussolini, dont il se sépara par la suite, il avait poussé à la guerre. Durant tout ce conflit, ça avait été pour moi un étrange sentiment que de savoir qu'un de mes vieux camarades était interventionniste dans le camp adverse. Mais je n'en éprouvais que plus vivement le désir de voir un tel ennemi. Cependant, je ne voulais pas m'exposer à être repoussé. Je laissai donc ma carte pour lui après y avoir inscrit l'adresse de mon hôtel. Or, je n'étais pas encore au bas de l'escalier que déjà quelqu'un se précipitait sur mes talons, le visage animé d'une vie intense, rayonnant de joie. Borghese. Au bout de 5 minutes, nous nous parlions aussi cordialement que par le passé, et peut-être plus cordialement encore. Lui aussi, cette guerre l'avait instruit. Et de l'une et de l'autre rive, nous nous étions plus rapprochés que jamais. Tout était comme par le passé. Non, plus cordial encore. Je respirais. La guerre était enterrée. La guerre était finie. Mais elle n'était pas finie. Seulement nous ne le savions pas. En réalité, la lutte n'avait fait que changer de terrain, passant du national au social. Et dès les premiers jours, je fus témoin d'une scène dont je ne compris que plus tard la signification et la portée. À l'époque, nous ne savions pas grand-chose en Autriche de la politique italienne, sinon qu'à la faveur de la déception qui avait suivi la guerre, des tendances socialistes et même bolchévistes accusées s'étaient introduites dans la péninsule. Sur chaque mur, on pouvait lire, tracé au crayon ou à la craie, en caractère maladroit, l'inscription « Viva Lénine ». De plus, on avait entendu dire qu'un des chefs socialistes, du nom de Mussolini, s'était détaché du parti pendant la guerre et avait formé un groupe opposé. Mais on ne prenait connaissance de ce genre de renseignements qu'avec indifférence. Quelle importance pouvait bien avoir un tel petit groupe ? Dans tous les pays, il existait alors des cliques comparables. Dans les pays baltes marchaient des corps francs. En Rhénanie, en Bavière, se formaient des groupes séparatistes. Partout, il y avait des manifestations et des tentatives de coups de force, mais elles étaient presque toujours étouffées. Personne ne songeait donc à considérer ces fascistes qui, au lieu des chemises rouges des garibaldiens, en avaient revêtu des noirs comme un facteur essentiel dans l'évolution future de l'Europe. Mais à Venise, ce qui n'était qu'un mot se chargea soudain pour moi d'un contenu sensible. Venant de Milan, je débarquais une après-midi dans ma chère ville par la lagune. Il n'y avait pas un porteur, pas une gondole en vue. Les ouvriers et les employés du chemin de fer restaient là, sans rien faire, les mains démonstrativement plongées dans leurs poches. Les rideaux de fer de la plupart des magasins étaient abaissés. Il n'y avait personne dans les cafés. Et seulement une grande foule d'ouvriers qui se tenaient en groupes séparés sous les arcades, paraissant attendre quelque chose de particulier. J'attendis avec eux, et soudain la chose survint. D'une des rues latérales parut, marchant ou plutôt courant au pas cadencé, un groupe de jeunes gens en bon ordre qui chantaient en mesure, bien exercé, une chanson dont je ne connaissais pas le texte. Plus tard, je sus que c'était Giovinezza. Et déjà, brandissant leurs cannes, ils s'éloignaient au pas de gymnastique avant que la masse 100 fois supérieure en nombre eût le temps de se jeter sur l'adversaire. Le passage intrépide et vraiment courageux de ce petit groupe organisé s'était fait si rapidement que les autres ne furent conscients de la provocation que lorsqu'ils ne pouvaient plus se saisir de l'adversaire. Ils se rassemblèrent alors, pleins de rage, serrèrent les poings, mais il était trop tard. La petite troupe d'assaut ne pouvait plus être rattrapée. Les impressions visuelles ont toujours quelque chose de convaincant. Pour la première fois, je savais maintenant que ce fascisme légendaire que je connaissais à peine était quelque chose de réel et qu'il fanatisait en sa faveur des jeunes gens résolus et audacieux. Ce fut pour moi le premier avertissement de ce fait que, sous sa surface apparemment pacifiée, notre Europe était pleine de dangereux courants. Le second ne se fit pas attendre longtemps. Je m'étais résolu, excité de nouveau par le goût des voyages, à me rendre en été à Westerland, sur la côte allemande de la mer du Nord. Il y avait dans l'air, il est vrai, une certaine tension, car tout le pays attendait. Les conférences de Gênes et de Rapallo, les premières auxquelles l'Allemagne était admise avec les mêmes droits que les puissances ennemies d'antan, allaient-elles apporter l'allègement espéré des charges de la guerre, ou, du moins, un geste timide de véritable entente. Celui qui menait ces négociations si mémorables dans l'histoire de l'Europe n'était personne d'autre que mon vieil ami Ratneau. Son génial instinct d'organisation s'était déjà magnifiquement affirmé pendant la guerre. Dès la première heure, il avait reconnu le point le plus faible de l'économie allemande, où elle devait d'ailleurs recevoir plus tard le coup mortel, l'approvisionnement en matières premières. Et il avait au bon moment, ici encore en avance sur son temps, centralisé toute l'économie. Quand il s'agit, après la guerre, de trouver un homme qui, d'égal à égal avec les plus habiles et les plus expérimentés parmi les adversaires, put les rencontrer dans ses échanges diplomatiques en qualité de ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, le choix tomba naturellement sur lui. Je lui téléphonai à Berlin après avoir hésité. Comment importuner un homme alors qu'il façonnait le destin de son temps ? « Oui, c'est difficile, » me dit-il au téléphone. « Je dois maintenant sacrifier à ma charge l'amitié elle-même. » Mais, avec la technique extraordinaire qu'il avait de mettre à profit chaque minute, il trouva aussitôt une possibilité de rencontre. Je ne voulus pas manquer cette occasion, et je crois que cela lui fit du bien, à lui aussi, de pouvoir s'exprimer librement avec un homme politiquement indépendant et qui était lié d'amitié avec lui depuis des années. Ce fut une longue conversation, et je puis témoigner que Ratneau, qui personnellement n'était certes pas exempt de vanité, n'avait pas reçu le portefeuille de ministre des Affaires étrangères d'Allemagne d'un cœur léger, et moins encore avec avidité ou impatience. Il savait d'avance que sa tâche, pour le moment, restait insoluble, et qu'en mettant les choses au mieux, il remporterait un quart de succès, quelques concessions sans importance, mais qu'on ne pouvait pas encore espérer une paix véritable, une généreuse volonté d'entente. « Dans 10 ans, peut-être, » me dit-il, « à supposer que les choses aillent mal pour tout le monde, et non pas seulement pour nous. Il faut d'abord que la vieille génération soit écartée de la diplomatie, et que les généraux ne se dressent plus que statufiés et muets sur les places publiques. » Il était pleinement conscient de la double responsabilité que lui imposait sa qualité de juif. Rarement dans l'histoire, peut-être, un homme s'est mis avec autant de scepticisme et de réserves intérieures à une tâche dont il savait que ce n'était pas lui, mais le temps seul qui pourrait l'accomplir. Et il connaissait le danger personnel qu'elle comportait pour lui. En ville, je pris congé de lui devant le ministère, sans soupçonner que c'était un congé définitif. Et plus tard, je reconnus sur les photographies que la rue par laquelle nous étions passés ensemble était la même que celle où, peu de temps après, les meurtriers devaient guetter la même auto. Ce ne fut en somme qu'un hasard si je ne fus pas témoin de cette fatale scène historique. Je pus donc me représenter d'une manière plus sensible encore et avec plus d'émotion l'épisode tragique qui marqua le début du malheur de l'Allemagne, du malheur de l'Europe. Ce jour-là, j'étais déjà à Westerland et à la plage, et des centaines de curistes se baignaient sereinement. De nouveau, comme en ce jour où l'on avait annoncé l'assassinat de François Ferdinand, un orchestre jouait devant des gens insouciants, en vêtements d'été. Quand, pareils à des pétrels blancs, les crieurs de journaux s'abattirent sur la promenade. « Walter Ratneau assassiné !» Une panique s'ensuivit, et elle ébranla tout l'Empire. Le Mark tomba d'un coup, et sa chute ne connut plus de trêve avant d'avoir atteint les chiffres fantastiques et fous qui s'exprimaient en milliards. C'est alors seulement que commença le vrai sabbat de l'inflation, au regard de laquelle la nôtre, en Autriche, avec sa proportion déjà assez absurde pourtant de 1 à 15 000, n'était qu'un misérable jeu d'enfant. Il faudrait un livre pour la raconter avec ses particularités, ses circonstances incroyables, et ce livre semblerait un conte de fées aux hommes d'aujourd'hui. J'ai vécu des journées où il me fallait payer le matin 50 000 marks pour un journal et le soir 100 000. Celui qui devait changer de l'argent étranger répartissait les opérations de change entre les diverses heures du jour, car à 4 heures, il recevait plusieurs fois ce qu'il aurait obtenu à 3 heures, et à 5 heures, de nouveau, plusieurs fois ce qu'il aurait obtenu 60 minutes auparavant. On payait des millions dans les tramways. Des camions transportaient le papier-monnaie de la Reichsbank dans les diverses banques, et 15 jours après, on trouvait des billets de 100 000 marks dans le caniveau. Un mendiant les avait jetés avec dédain. Je crois connaître assez bien l'histoire, que je sache, mais elle n'a jamais produit une époque où la folie eût pris des proportions aussi gigantesques. Une époque évoquant à ce point un asile d'aliénés. Toutes les valeurs étaient altérées, et non pas seulement dans l'ordre matériel. On se riait des ordonnances de l'État. On ne respectait aucun principe, aucune morale. Berlin se transforma en Babylone du monde. Quiconque a vécu ces mois, ces années apocalyptiques, et en a été dégoûté et aigri, sentait qu'il devait se produire un choc en retour, une terrible réaction. Et ceux-là même qui avaient précipité le peuple allemand dans ce chaos attendaient à l'arrière-plan en souriant, la montre à la main. Plus tout va mal dans le pays, mieux cela vaut pour nous. Ils savaient que leur heure allait venir. La contre-révolution se cristallisait ouvertement autour de Ludendorff, plus même qu'autour de Hitler, qui était encore sans pouvoir. Rien ne fut plus fatal à la République allemande que sa tentative idéaliste de laisser la liberté au peuple et même à ses propres ennemis. Car le peuple allemand, peuple désireux d'ordre, ne savait que faire de sa liberté et tournait déjà ses regards, pleins d'impatience, vers ceux qui devaient la lui ravir. Le jour où prit fin l'inflation allemande, en 1923, aurait pu devenir un tournant de l'histoire. Quand, au coup de cloche, 1 milliard de marques frauduleusement enflées fut échangé contre 1 seul marque nouveau, une norme fut établie. Et de fait, l'écume trouble, avec toute sa boue et sa fange, reflua bientôt. Les bars, les débits d'alcool disparurent. La situation redevint normale. Chacun pouvait maintenant compter exactement ce qu'il avait gagné, ce qu'il avait perdu. Il faut le rappeler sans cesse. Rien n'a aigri, rien n'a rempli de haine le peuple allemand. Rien ne l'a rendu mûr pour le régime de Hitler comme l'inflation. Car la guerre, si meurtrière qu'elle eût été, avait quand même offert des heures de jubilation, avec les cloches sonnant à la volée et les fanfares de victoire. Et l'Allemagne, cette nation incurablement militaire d'esprit, se sentait grandie dans son orgueil par les victoires temporaires, tandis qu'elle ne se trouvait que salie, dupée et abaissée par l'inflation. Toute une génération n'a jamais oublié ces années, ne les a jamais pardonnées à la République allemande, et elle a préféré rappeler ses propres bouchers. Une fois de plus, nous pensions que la guerre était surmontée. Sots, incurables sots que nous étions et avions toujours été. Pourtant, cette illusion trompeuse nous a accordé au moins 10 ans de travail, d'espérance et même de sécurité. De notre point de vue d'aujourd'hui, ces 10 petites années qui s'étendent de 1924 à 1933, de la fin de l'inflation allemande jusqu'à la prise du pouvoir par Hitler, représentent malgré tout une pause dans la succession de catastrophes dont notre génération a été le témoin et la victime depuis 1914. Non pas que cette époque eût manqué de tensions, d'agitations et de crises, la crise économique de 1929 surtout, mais durant cette décennie, la paix semblait assurée en Europe, et c'était déjà beaucoup. Ce qu'il y a de plus remarquable à signaler dans ma vie personnelle, c'est que dans ces années-là, un hôte bienveillant vint dans ma maison et s'y établit. Un hôte que je n'avais jamais attendu. Le succès. Il ne m'est naturellement pas très agréable de mentionner le succès extérieur de mes livres, et dans une situation normale, je me serais abstenu d'y faire même la plus fugitive allusion qui aurait pu être interprétée comme de la suffisance ou de la vantardise. Mais j'ai un droit particulier à ne pas taire cette circonstance dans le récit de ma vie, et j'y suis même contraint, car depuis 7 ans, depuis l'arrivée de Hitler, ce succès appartient à l'histoire. Des centaines de milliers et même des millions d'exemplaires de mes livres qui avaient leur place assurée dans les librairies et dans d'innombrables maisons, on ne peut plus s'en procurer un seul en Allemagne. Qui en possède encore un, l'a soigneusement caché. Et dans les bibliothèques publiques, il demeure enfoui dans ce qu'on appelle l'armoire au poison. À l'usage du petit nombre de ceux qui veulent, munis d'une permission spéciale des autorités, les utiliser à des fins scientifiques, le plus souvent dans le dessein de m'outrager. Parmi mes lecteurs, parmi mes amis qui m'écrivaient, plus aucun ne se risque, depuis longtemps, à mettre mon nom aboré sur une enveloppe. Et ce n'était pas assez. En France, en Italie, dans tous les pays actuellement asservis, où mes livres étaient parmi les plus lus, en traduction, la sentence de proscription a été également rendue sur l'ordre de Hitler. Je suis aujourd'hui, en tant qu'écrivain, ainsi que le disait notre Grillparzer, un homme qui marche vivant derrière son propre cadavre. Tout ce que j'ai construit en 40 ans sur le plan international, ce point unique l'a démoli. Ainsi, quand je fais mention de mon « succès », je parle de quelque chose non pas qui m'appartient, mais qui m'a appartenu un jour, comme ma maison, ma patrie, ma sécurité personnelle, ma liberté, mon ingénuité. Je ne pourrais pas rendre sensible dans toute sa profondeur et sa totalité la chute que j'ai subie plus tard. Avec d'innombrables autres, tout aussi innocents, si je ne montrais pas d'abord la hauteur d'où j'ai été précipité. Et je ne pourrais pas non plus rendre évident le caractère unique et les conséquences de cette extirpation de toute notre génération littéraire, dont je ne connais à la vérité point d'autre exemple dans l'histoire. Comme je m'étais toujours fait un devoir, à propos des écrivains étrangers ou de leurs œuvres, de rechercher par les voies de la biographie ou de l'essai les causes de leur action sur leurs contemporains ou au contraire de leur échec, je ne puis éviter de me demander, au cours de longues heures de méditation, sur quelle qualité particulière de mes livres se fondait un succès si inattendu pour moi. En dernière analyse, je crois qu'il est dû à un défaut de ma nature, au fait que je suis un lecteur impatient et plein de fougue. Toutes les redondances, toutes les mollesses, tout ce qui est vague, indistinct et peu clair, tout ce qui est superflu et retarde le mouvement dans un roman, dans une biographie ou une discussion d'idées, m'irrite. Seul un livre qui, constamment, page après page, se maintient au niveau le plus élevé et vous entraîne tout d'un trait jusqu'à la dernière sans vous laisser le temps de respirer, me donne un plaisir sans mélange. C'était Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stéphane Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. 8e épisode, De nouveau par le monde. Prise de son, Stéphane Desmonts. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Bellefonds.